l'art délicat de répandre des grâces jusque sur la philosophie fut encore une chose nouvelle, dont le livre « Sur la pluralité des mondes » de Fontenelle fut le premier exemple. Mais exemple dangereux, parce que la véritable parure de la philosophie est l'ordre, la clarté et surtout la vérité. Ce qui pourrait empêcher cet ouvrage ingénieux d'être mis pour la postérité au rang de nos livres classiques, c'est qu'il est fondé en partie sur la chimère des tourbillons de Descartes. Il faut ajouter à ces nouveautés celle que produisit Bell en donnant une espèce de dictionnaire de raisonnement. C'est le premier ouvrage de ce genre où l'on puisse apprendre à penser. Au reste, en plaçant ici Bell parmi les auteurs qui ont honoré le siècle de Louis XIV, quoiqu'il fût réfugié en Hollande, je ne fais que me conformer à l'arrêt du Parlement de Toulouse qui, en déclarant son testament valide en France, malgré la rigueur des lois, dit expressément qu'un tel homme ne peut être regardé comme un étranger.